Les chants phonatoires par Eric Arasim. D'un murmure retenu par Eric Arasim. Extension de l'écho, profondeur dans l'abîme, le fou prophétise non pas la fin du monde, mais l'émergence de l'aurore en ce début de journée. La corrosion du temps sur les mémoires efface tous les instants heureux. À l'écoute du monde, j'agite l'éventail, brasse l'air vicié, nauséabonde. Le nuage encercle la pierre de son murmure retenu. L'hiver s'est présenté à ma fenêtre, esprit des apparences vagabondes, sous les flocons fondus. Le matin, une seule ligne contraire, honte de mon repas, rafraîchissant ma peine. J'ai prié l'astre mort, indifférent aux complaintes du monde. Il m'a répondu d'un silence pesant. La famille irréconciliable ressemble à des fantômes qui ont fait le deuil de leur sourire. Ne pouvant accéder à la vie marginale, l'artiste lettré décloisonne la réalité à travers les apparences du rêve. Le sommet ensoleillé sur la pointe d'un pinceau, l'encre se brise comme la goutte de pluie sur mon bureau. À mon ami Jean-Luc, libéré du poids des carlingues et des cockpits, tu as rejoint le bleu du ciel, terminal des envies aériennes. En deçà de l'objet, la forme. En deçà de la forme, la peinture. En deçà de la peinture, le verbe. En deçà du verbe, la poésie. Ma langue d'origine s'est perdue dans la steppe. Mon lieu de naissance, je ne l'ai pas retrouvé. Ma destination, je ne l'ai pas définie. Même mon passé, j'ai dû l'oublier. Derrière le quai d'une gare. Ici se termine d'un murmure retenu par Eric Arasim. Illustration musicale de Pascal Mancarelli. Fukushima, Mon amour. Enregistré par Christiane Johan sous licence CC BY NC ND.